Hein? Ça fait 15 minutes qu'on attend. Vous pouvez prendre notre commande, s'il vous plaît? 2. Tout est délicieux. Bravo au chef. 3. La viande est très tendre, c'est un délice. 4. J'ai demandé un steak bien cuit. Regardez, il n'est pas assez cuit, il est saignant. 5. J'adore cet endroit. C'est très agréable et la vue est magnifique. 6. Le service est vraiment rapide ici. 7. Monsieur, mon plat n'est pas chaud et je déteste manger froid. 8. Il est très bien ce vin. Comment tu le trouves? 9. Je ne peux pas manger la viande avec cette sauce. Elle est trop salée. 10. On peut changer de table? Il y a trop de bruit ici. 11. Sympa le serveur. Vraiment aimable. 12. Il n'y a plus de tarte, il n'y a plus de salade de fruits, il ne reste que des glaces. Il n'y a pas vraiment de choix chez vous.